C'est pourquoi il n'y a pas de mal que les gens de cette famille s'alignent dans le premier rang dans le cimetière, et ce, dans le but de les réconforter, et c'est également un moyen de leur faciliter et de faciliter aux gens la reconnaissance de la famille du mort. Et également dans la conversation des gens entre eux et avec ceux de la famille du mort, comme par exemple des duas qu'ils peuvent leur adresser parmi ceux qui est présent dans la sunna du prophète alayhi salatu wa salam, et comme ce qui a été rapporté dans un hadith authentique dans les recueils de l'imam al-Bukhari et l'imam muslim, selon Usama ibn Zayd radiallahu anhu. Celui-ci nous dit, Zaynab, la fille du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, envoya quelqu'un à son père pour l'informer que sa fille Umaymah est morte. Alors le messager d'Allah alayhi salatu wa salam lui envoya un messager qui lui dit, certes ce qui nous a été donné appartient à Allah, walahu ma a'ta, et ce qui nous a été pris lui appartient également, wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma, et chaque chose a son terme fixé, fal tasbir wal tahtashim, alors qu'elle patiente et qu'elle en espère la récompense auprès d'Allah. L'imam al-Nawawi rahimahullah nous dit que le hadith de Usama est la meilleure chose à dire pour réconforter les gens lorsqu'ils ont eu un mort. Et mes chers frères et sœurs, certes les condoléances renforcent les liens de fraternité entre les musulmans. Certes les condoléances font en sorte que les musulmans s'associent et agissent ensemble dans les bons comme dans les mauvais jours, et avec en plus de ce qu'elle comporte comme récompense de la part d'Allah Azza wa Jal. L'imam Al-Baghdadi ainsi que l'imam Ibn As-Sakir ont rapporté avec une chaîne de transmission jugée bonne par Sheikh Al-Albani. Selon Anas ibn Malik radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui présente ses condoléances à son frère éprouvé par une catastrophe, Allah le revêtira d'un ornement vert le jour du jugement dernier. Celui qui présente ses condoléances à son frère éprouvé par une catastrophe, Allah le revêtira d'un ornement vert le jour du jugement dernier. Ceci pour celui qui réconforte son frère dans sa tristesse, dans son chagrin et dans son malheur. Cette personne sera vêtue, mes chers frères et sœurs, le jour du jugement, le jour où les corps seront dévêtus, le jour où les parties intimes seront dévoilées, il sera lui vêtu le jour de la résurrection d'une parure verte dont les gens en seront jaloux et que les gens envieront. Et sachez que les condoléances ne doivent pas constituer un cadre et une atmosphère de tristesse, mais cela doit représenter un renforcement et une augmentation des valeurs morales. C'est pourquoi lorsque l'imam Ibn Aqil rahimahullah a perdu un de ses enfants, et lorsque les gens sortirent lors de son convoi funéraire, un homme parmi ceux qui portaient le mort s'est levé en récitant la parole d'Allah Jalla wa Ala, Ya ayyuha al-aziz, inna lahu aban shaykhan kabira, fakhudh ahadana makanah, inna naraka min al-muhsinin. Ô al-aziz, il a un père très vieux, saisis-toi donc de l'un de nous à sa place, et nous voyons que tu es vraiment du nombre des gens bienfaisants. Et alors Ibn Aqil rahimahullah le réprima et lui dit, Al-Qur'an est descendu pour l'apaisement des tristesses et non pour l'agitation et intensifier et accentuer les tristesses. Et certes ce que tu viens de dire accroît les sentiments de tristesse. Donc les condoléances et le réconfort servent à élever les valeurs morales et à leur renforcement. Car sachez mes chers frères et sœurs que les condoléances des gens de nos jours sont sortis du domaine de la législation musulmane pour atteindre le domaine de l'interdit. Et alors beaucoup de gens qui viennent soi-disant présenter leurs condoléances se mettent à roucouler devant la maison du mort, et ce, non pour le but de réconforter la famille, mais dans le but de manger, et dans le but de boire, et dans le but de dire des futilités et des paroles frivoles, comme si cela était une maison où avait lieu un mariage. Et ces œuvres représentent une des images de la lamentation sur le mort. Comme nous l'a précisé, nous l'a affirmé, le compagnon Jalil ibn Abdillah al-Bajali, radiallahu anhu, celui-ci nous dit, nous considérions les réunions chez la famille du mort, ainsi que les bienfaits de la nourriture après son enterrement, comme faisant partie des lamentations. Nous considérions les réunions chez la famille du mort, ainsi que les bienfaits de la nourriture après son enterrement, comme faisant partie des lamentations. Et tel est ce que font les gens après l'enterrement de leur mort, ou avant de l'enterrer, et c'est ce qu'ils appellent le dîner du mort. Nous voyons et nous constatons que plusieurs familles du mort font des cérémonies, et on les voit en train d'égorger des offrandes, et de les proposer et les présenter à ceux qui viennent les réconforter. Et tout cela rentre dans l'innovation qu'Allah Jalla wa Ala n'a guère autorisée. Car la première chose à faire, mes chers frères et sœurs, était que les gens préparent un repas pour la famille du mort. Et non pas que la famille du mort leur prépare un repas. Mais de nos jours, l'image est inversée. Et la situation est contraire. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Il a certes été rapporté par l'imam Abu Daoud et par l'imam al-Tirmidhi, avec une chaîne de transmission bonne, selon Abdullah ibn Ja'far radiallahu anhuma. Celui-ci nous dit, lorsque l'annonceur de la mort de Ja'far, c'est-à-dire lorsque l'informateur de son décès est arrivé, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, faites un repas pour la famille de Ja'far, car est survenu ce qui va les préoccuper. Préparez un repas pour la famille de Ja'far, car est survenu ce qui va les préoccuper. Ainsi, le devoir, c'est que les gens préparent à manger pour la famille du mort, afin de les consoler, et pour réduire leur malheur, et pour leur remonter le moral, et non pas que la famille du mort se donne de la peine à faire à manger, et à égorger des offrandes. Naam, certes, Aïcha radiallahu anha, recommandait de préparer at-tilbina pour les malades et pour les gens attristés par une catastrophe. Et elle disait que le prophète alayhi salatu wa salam nous dit, disait, at-tilbina fait partir la tristesse de la famille du mort et renforce le cœur des malades. At-tilbina était une sorte de soupe connue composée de variétés d'aliments. Mais il est autorisé de faire également n'importe quel repas dans le but de réconforter la famille du défunt. De plus, l'imam al-Shafi'i a qualifié de détestable les réunions dans la maison du mort, afin que les gens viennent en priorité les réconforter plus que ce qu'il ne faut. Et il a dit, rahimahullah, quant aux réunions dans la maison du mort, dans le but de les réconforter, c'est-à-dire de présenter des condoléances, et cela, même s'il n'y a pas de pleurs, moi je déteste cela. Et cela d'une part à cause du renouvellement et de l'accentuation et de l'intensification des tristesses que cela entraîne, et d'autre part à cause du gaspillage causé par toutes les dépenses. De même, nos savants, rahimahumullah, ont de même dit, si le malheur d'une personne dure un long moment, il n'est pas convenable de notre part de lui présenter nos condoléances ou de vouloir le réconforter, car ceci lui renouvellerait son malheur. Mes chers frères et sœurs, sachez que si une personne a perdu un proche, il est normal, sans aucun doute, que cette personne soit touchée par sa séparation. Et ceci est une chose naturelle. Et il n'est pas possible que le législateur nous interdise cela. Et il nous est ainsi permis de porter le deuil de nos morts, d'être triste pour eux, mais cela a une condition, de ne pas dépasser 3 jours. Il est ainsi autorisé de porter le deuil de nos morts durant un délai de 3 jours et pas plus, comme il fut rapporté dans les 2 recueils authentiques selon Ummi Habiba radiallahu anha, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'est pas permis à une femme qui croit en Allah et au jour dernier de porter le deuil d'un mort de plus de 3 jours, à moins que ce mort soit son mari, duquel elle doit porter le deuil pendant 4 mois et 10 jours. Il n'est pas permis à une femme qui croit en Allah et au jour dernier de porter le deuil d'un mort plus de 3 jours, à moins que ce soit son mari, duquel elle doit porter le deuil 4 mois et 10 jours. Ainsi la femme, si son mari meurt et qu'elle n'est pas enceinte, il lui est obligatoire qu'elle porte le deuil, et ce dans un délai de 4 mois et de 10 jours. Et ce délai correspond au délai prescrit qu'Allah lui a déterminé comme Allah nous dit dans Sourate Al-Baqarah, وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. Et ceux des vôtres que la mort frappe et qui laissent des épouses, celles-ci doivent observer une période d'attente de 4 mois et 10 jours. La femme donc doit porter le deuil de son mari pendant un délai de 4 mois et 10 jours entiers. Et cela lui est un devoir, ibad Allah. Hormis cela, il lui est interdit de porter le deuil de quelqu'un au-delà de 3 jours. Et une chose que l'on voit dans certains pays arabes et musulmans, lors d'un décès d'une personne notable et de rang élevé, on manifeste ses condoléances par une minute de silence, ou bien par des cérémonies de descente de drapeau, ou bien par la fermeture d'administrations juridiques et municipales, mais cela contredit certes la législation de Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam. Et cela constitue de plus un acte faisant ressembler aux ennemis de l'islam. Alors qu'est certes morte la meilleure des créatures, Habibul Haqq, pour qui nous sacrifierons mère et père, sallallahu alayhi wa sallam, sans que ses compagnons, radiallahu anhum, n'aient rien fait de tout cela. Ainsi, ce qu'accomplissent les gens en général de nos jours, en renouvelant le deuil de leur mort, après une semaine, ou après 40 jours, ou après un an, constitue et représente une innovation à l'appui de laquelle Allah n'a fait descendre aucune preuve. Ainsi, la femme qui perd son mari, il lui incombe de porter le deuil de son mari durant une durée de 4 mois et 10 jours entiers. Et dès lors, il est venu le temps pour nous de citer les lois juridiques de la femme en deuil. Mes chers frères et sœurs, si le mari meurt, il est un devoir pour son épouse de porter son deuil et il lui est interdit de se marier dans ce délai d'attente. Et les savants ont été unanimes sur le fait que le mariage de la femme en deuil est nul et non valable. Et ils ont aussi été d'accord sur l'interdiction de sa demande en mariage explicite. Par contre, cela est autorisé d'une façon implicite, c'est-à-dire avec présentation du vœu du mariage par allusion et sous-entendu. Allah Jalla wa Ala nous dit également dans Sourate Al-Baqarah, « وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّدْتُمْ بِهِ مِنْ خِطَبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ » Et on ne vous reprochera pas de faire aux femmes allusion à une proposition de mariage ou d'en garder secrète l'intention. Ainsi, premièrement, il lui est interdit de se marier durant le délai d'attente. Et la proposition de mariage explicite est également totalement interdite. Il lui est interdit également de s'habiller avec de beaux vêtements. Et ce n'est pas une condition qu'elle porte le noir. Il lui est également interdit de se faire belle et également de porter des bijoux. Il lui est également interdit de porter du parfum. Et la preuve de tout cela est ce qui fut rapporté par l'imam al-Bukhari et par l'imam muslim. Selon Ummi Atiyah radiallahu anha, le messager d'Allah alayhi salat wa salam nous dit, il est interdit à une femme de porter le deuil de mort pendant plus de 3 jours, à moins qu'il ne s'agisse de son mari. Et alors le deuil dure 4 mois et 10 jours. Pendant ce temps, qu'elle ne porte pas de vêtements teintés, qu'elle ne mette pas de collier aux yeux, qu'elle ne se parfume pas. Et toutefois, lors de la purification pour les menstrues, on tolérait qu'elle utilise un peu une sorte de parfum spécial. Et également qu'elle ne suive pas les convois funéraires. Ainsi, il est interdit à une femme en deuil de porter des vêtements teintés, ce genre de vêtements que portaient les femmes pour s'embellir. Il lui est donc autorisé de porter le reste des vêtements sans porter de beaux vêtements qui séduisent. Il lui est également interdit de mettre le khul, même pour soigner ses yeux. Il lui est également interdit de toucher le parfum, sauf pour se purifier des menstrues, car c'était de cette façon que procédaient les sahabiyettes, les femmes compagnons, à l'époque du prophète alayhi salat wa salam. Et cela dans le but d'éliminer l'odeur. Mais excepté ce cas-là, il lui est interdit d'en mettre, interdit de mettre du parfum, et également l'exemple du savon parfumé, qu'il s'agisse de savon liquide ou solide, de toutes sortes, sauf s'il a une odeur légère. Et dans le hadith rapporté par l'imam Abu Daoud, et par l'imam al-Nasa'i, avec une chaîne de transmission authentique, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, elle ne doit pas se teindre, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas mettre de la teinture comme le henné et tout ce qui y ressemble, comme maquillage et ce genre d'ornement. Et elle doit également ôter les bijoux qu'elle porte. Et il lui est interdit ainsi d'exposer ses bijoux sur sa main et également sur son corps, qu'ils soient en or ou en argent. Ainsi, il lui est interdit de porter de l'or et de l'argent, qu'il s'agisse de bracelets, de bagues et de colliers pendant ce délai, pendant cette période de deuil. Il lui est également interdit de sortir de la maison de son mari, sauf en cas de nécessité. Par exemple, qu'elle aille chez le médecin ou à l'hôpital, ou bien pour acheter de la nourriture, et cela si elle n'a personne pour lui faire cela. Et tout cela nous montre, mes chers frères et sœurs, la grande importance du droit de l'homme sur sa femme, et cela même après sa mort, afin qu'aucune personne ne la demande en mariage, transgressant ainsi les droits de l'honneur du défunt. Et cela concerne la femme qui n'est pas enceinte. Quant à celle qui est enceinte, le délai de deuil se termine avec l'accouchement. Et cela même si les 4 mois et les 10 jours n'ont pas été atteints. Et la preuve en est ce qu'Allah nous dit, وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَيْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. Et quant à celles qui sont enceintes, leur période d'attente se terminera à leur accouchement. Également ce qui fut rapporté par l'imam al-Bukhari et par l'imam muslim, que Subayhata al-Aslamiyya a accouché après la mort de son mari, après 2 nuits. Et elle est venue alors demander la permission du prophète alayhi salat wa salam pour se marier. Et il la lui donna et elle se maria. Donc la durée de deuil de la femme enceinte s'étend jusqu'à ce que sa grossesse se termine. Et que le délai soit long ou court. Oui, mes chers frères et sœurs, ainsi doit se comporter la femme du défunt après la mort de celui-ci, et non pas comme ont innové les gens de nos jours, croyant que la femme du défunt ne doit absolument pas marcher pieds nus, ne doit absolument pas marcher sous la lumière de la lune, ou bien sur le toit de sa maison, ou bien se laver, et tout cela n'a aucun fondement dans la religion d'Allah et Azza wa Jal. La femme dont le mari est décédé, il lui est autorisé de marcher pieds nus. Il lui est autorisé de sortir dans la lumière de la lune. Il lui est autorisé de monter sur le toit de la maison en cas de nécessité. Il lui est autorisé de faire la cuisine pour elle et pour ses invités. Et il lui est autorisé également d'enlever son voile devant les personnes qu'elle a droit d'enlever. Et il est également autorisé de se laver, et ce même tous les jours. Ainsi que toute autre chose n'entraînant pas la loi d'Allah et Azza wa Jal. Car mes chers frères et sœurs, nous n'interdisons aux croyants des actions qu'avec des preuves authentiques, claires et fixes. Alors c'est comme cela. Ayyuhal Habibul Karim, après la jouissance de ta femme, après les belles nuits, les gens qui te sont proches t'enterreront. Et les gens qui t'aiment et qui t'apprécient te délaissent dans ton linceul, te délaissent dans ta tombe isolée. Alors ô ceux qui ont oublié les tombes, ô ceux qui ont été distraits par la construction de belles demeures, ô ceux qui ont été distraits par l'investissement dans leur décor, craignez Allah et Azza wa Jal, revenez à votre religion. Ô ceux qui ont été distraits par les séries télévisées et ont oublié la mort et la demeure dernière, ô ceux qui ont été distraits par l'amassement des richesses de façon halal et haram, la mort est votre guetteur, et la tombe sera votre demeure, et le rassemblement sera votre rendez-vous. Et Munkir wa Nakir seront vos questionneurs. Craignez Allah et Azza wa Jal. Craignez Allah et rappelez-vous de ce jour, le jour où l'on vous mettra dans votre tombe sous la terre. Mes chers frères et sœurs, lorsque le musulman meurt, ses œuvres sont interrompues, sauf certaines actions dont la récompense ne cesse pas. Et donc, il incombe et il faut que les hommes écrivent leur testament avant qu'ils ne meurent. Et si ce n'est pas écrit, alors que la famille du défunt le fasse. Allah nous dit, Inna nahnu nuhyi al-mawta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. C'est nous qui ressuscitons les morts et écrivons ce qu'ils ont fait ainsi que leurs traces. Et dans le hadith rapporté par l'imam muslim, selon Abi Hurayrata radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, lorsque l'homme meurt, ses œuvres sont interrompues sauf 3 choses. Sadaqatun jariyah, une aumône continue, ou ilmun yantafi'u bih, ou une science dont les gens tirent profit, ou waladun salihun yad'u lah, ou un enfant vertueux qui invoque Allah pour lui. Lorsque l'homme meurt, mes chers frères et sœurs, ses œuvres sont interrompues sauf 3 choses. sadaqatun jariyah, une aumône continue, ou ilmun yantafi'u bih, ou une science dont les gens tirent profit, ou waladun salihun yad'u lah, ou un enfant vertueux, ou un enfant pieux qui invoque Allah pour lui. Sadaqatun jariyah, une aumône continue. L'aumône, mes chers frères et sœurs, c'est ce qu'expriment les savants par al-waqf, le don, le leg, et elle signifie s'octroyer le bien et l'utiliser dans un but précis. Par exemple, creuser un puits, ou bien planter un arbre à fruits, ou bien mettre en place un chemin, construire un hôpital, et tout cela dédié pour les pauvres, dédié pour les plus démunis, également pour des étudiants de sciences religieuses, des orphelins, et ce, en espérant la récompense d'Allah tabaraka wa ta'ala le jour de sa mort. Sadaqatun jariyah, une aumône continue, mes chers frères et sœurs, l'aumône à laquelle on ne pense jamais, l'aumône continue que beaucoup de gens ont oublié et délaissé. Les dons musulmans pour lesquels se renforce cette religion, certes, ont été négligés par les musulmans. Sadaqatun jariyah, ou ilmun yantafi'u bih, ou une science dont les gens tirent profit. Ainsi, si le croyant en a bénéficié, s'il était étudiant de sciences religieuses, s'il appelait les gens vers Allah Jalla wa Ala, il laisse une science comme héritage. Une science dont les gens tirent profit, et la preuve en est ce que rapporte l'imam Ibn Majah et l'imam Ibn Khuzaymah avec une chaîne de transmission Hassanun Sahih, selon Abi Hurayrah radiallahu anhu. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: parmi les choses qui parviennent aux croyants après sa mort comme bonnes œuvres et bonnes actions, une science qu'il aura enseignée et propagée, un enfant pieux en héritage, un Coran qu'il aura laissé, une mosquée qu'il aura construite, une maison pour le voyageur qu'il aura construite, une rivière qu'il aura fait écouler, et une aumône sadaqa. Toutes ses œuvres le suivront dans sa tombe. Et dans le hadith de l'imam Ibn Khuzaymah, avec une chaîne de transmission jugée authentique par Sheikh al-Albani, selon Jabir ibn Abdillah radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque a creusé un puits, il n'y a pas un homme, ni un djinn, ni un oiseau assoiffé, s'y étant abreuvé, sans qu'Allah Jalla wa Ala lui inscrive une récompense jusqu'au jour du jugement dernier. Et certes, celui qui construit une mosquée, même de la taille d'un nid d'oiseau, Allah lui construit une demeure au paradis. Et sache, cher frère, que si tu ne disposes d'aucune science que tu ne pourrais laisser en héritage, alors pas de problème. Tu peux procurer des livres, procurer des vêtements, de la nourriture aux étudiants de sciences religieuses, procurer des vêtements pour ceux qui apprennent le Coran, car tout cela rentre dans les efforts pour la propagation de l'islam. Sadaqatun jariyah, une aumône continue, ou ilmun yantafi'u bih, ou une science dont les gens tirent profit, ou waladun salihun yad'u lah, ou un enfant pieux qui invoque Allah pour lui, ou waladun salihun yad'u lah, ou un enfant pieux qui invoque Allah pour lui, ou un enfant vertueux, ou un enfant pieux qui invoque Allah pour ce mort. Alors sachez, mes chers frères et sœurs, que l'enfant pieux et vertueux qui invoque Allah pour son père ou pour sa mère est parmi les bienfaits suprêmes qu'Allah Jalla wa Ala accorde à son serviteur. L'enfant vertueux qu'ont perdu beaucoup de gens, l'enfant pieux que beaucoup d'âmes ont perdu, l'enfant bienfaisant qu'ont perdu beaucoup de pères, qu'ont perdu beaucoup de mères. L'enfant vertueux, c'est le bienfaisant envers ses parents, qu'ils soient morts ou vivants. C'est le clément envers son père, qu'il soit mort ou vivant. L'enfant vertueux, il n'a pas levé les mains vers le ciel. Et il ne s'est pas prosterné pour Allah Azza wa Jal sans qu'il n'ait invoqué son père, sans qu'il n'ait invoqué sa mère avec une invocation sincère. Il invoque pour eux dans le monde invisible, ou un enfant pieux qui invoque Allah pour lui. Alors où est cet enfant vertueux? Où est-ce un enfant pieux qui a été éduqué sur le livre d'Allah Azza wa Jal et sur la sunna du prophète alayhi salatu wassalam? Où est cet enfant vertueux? Celui à qui on a enseigné la prière, celui à qui on a appris le livre d'Allah, celui à qui on a appris la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, celui qui aura appliqué la loi d'Allah Azza wa Jal, et ce depuis qu'il est tout jeune. Où est cet enfant vertueux? Nos enfants de nos jours, mes chers frères et sœurs, sont éduqués sur les nouvelles modes, sont éduqués et suivent les nouvelles tendances occidentales, excepté ce qu'Allah a sauvé et épargné. Et certes, oui, nous venons d'évoquer le sujet sur lequel s'attriste pères et mères, le sujet sur lequel regrettent beaucoup de pères et de mères, pleurant sur le sort de leur enfant. Mais non, c'est toi qui as délaissé ton enfant. C'est toi qui as failli à ton devoir et à ta mission. C'est toi qui l'as laissé comme appât de soutien aux ennemis d'Allah et Azza wa Jal. C'est toi qui l'as éduqué sur autre chose que le livre d'Allah, sur autre chose que la sunna du prophète alayhi salatu wa salam. C'est toi qui l'as éduqué sur la civilisation mensongère des ténèbres. Et il est donc devenu ce que tu vois. Mes chers frères et sœurs, l'enfant vertueux est un bienfait d'Allah. Et sache que chacune des œuvres qu'il aura accomplies sera transcrite sur le compte de ses parents et semblable à sa rétribution, la preuve en est. Ce qu'Allah nous dit dans Sourate An-Najm, wa anna sa'yahu sawfa yura, et que son effort en vérité lui sera présenté le jour du jugement dernier. Et Allah nous dit également dans Sourate Al-Mudathir, kullu nafsin bima kasabat rahina, toute âme est l'otage de ce qu'elle a acquis. Sachant que l'enfant est le fruit des efforts de ses parents, il fait partie de leur acquis. Et la preuve en est, les hadiths rapportés dans les livres du Sunan avec une chaîne de transmission authentique, selon Abdullah ibn Amr radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le plus bon fruit que consomme l'homme est le fruit de son acquis, de son effort. Et l'enfant fait partie de son acquis. Et dans le Mousnad de l'imam Ahmed, avec une chaîne de transmission authentique, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le paradis, Allah élève le rang de l'homme pieux. Et alors celui-ci demande à Allah, ya Allah, qu'est-ce que j'ai fait pour atteindre ce haut rang? Et alors Allah lui répond, par le pardon et les excuses demandées par ton fils pour toi. Regardez les compagnons du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, lorsque leurs parents étaient décédés. Regardez, lorsque la mère de Sa'd ibn Ubad est morte, celui-ci était absent. Et il est alors allé voir le prophète, alayhi salatu wassalam. Et le hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari. Et il lui dit, ya Rasulallah, ô messager d'Allah, ma mère est morte et moi j'étais absent. Est-ce que si je fais une aumône sadaqa à son nom, cela lui sera-t-elle bénéfique? Et alors il lui répondit, na'am, oui. Il répondit alors, sois témoin que je fais de mon terrain de jardin un don pour elle. Regardez cette bonté et cette générosité, telle est ce qui sera bénéfique aux défunts, mes chers frères et sœurs. L'imam al-Bukhari et l'imam muslim rapportent, selon Aïcha radiallahu anha, un homme demanda au prophète alayhi salat wa salam, ya Rasulallah, ma mère est morte dernièrement. Et elle a voulu parler, mais elle n'a pas pu, son âme est sortie. Et je crois que si elle avait pu parler, elle aurait fait sadaqa, elle aurait fait une aumône. Alors est-ce que si je fais une sadaqa pour elle, cela lui sera-t-elle bénéfique? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit, oui, fais sadaqa pour elle. Ainsi il est autorisé de faire une aumône pour le mort, même si le mort ne le recommande pas. Et l'imam muslim rapporte, selon Abi Hurayrata radiallahu anhu, un homme a dit, ya Rasulallah, mon père est mort et a laissé des biens sans qu'il laisse un testament. Est-ce que le fait que je fasse sadaqa pour lui lui effacera ses péchés? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit, oui, l'aumône, l'invocation, la science utile, le pèlerinage, le jeûne lors de la promesse et l'aumône de ce qu'a laissé le mort avant son partage entre les héritiers. Tout cela lui sera bénéfique pour le mort, mais tout autre acte ne lui sera pas avantageux. Comme ce qui s'est répandu chez les musulmans de nos jours, de prendre des récitateurs de Coran, qui lisent le Coran et qui sont rémunérés pour cela, et cet acte n'est pas bénéfique pour le mort et est considéré comme une innovation dans la religion d'Allah et Azza wa Jal. Et cela n'était pas à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, appeler des lecteurs et leur donner un salaire juste dans le but de réciter le Coran pour le mort est un acte légitimement illicite. Et si quelqu'un nous pose la question suivante, mais pourquoi cet acte en question est illicite et non l'aumône, ni la dua, ni la science utile? Pourquoi la récompense de l'aumône et de la science utile et des invocations et du jeûne pour le mort lui serait attribuée et non la récompense de la récitation du Coran? Alors la réponse, mes chers frères et sœurs, est qu'il n'y a pas d'analogie dans les actes d'adoration. Et ceci fait partie des règles de base de la législation. Et la deuxième règle est qu'à la base, tout acte d'adoration est interdit, sauf les actes qu'Allah a légiférés et décrétés. De plus, les actes dont bénéficie le mort ont été cités dans les hadiths authentiques, soit par la parole du prophète alayhi salatu wassalam, soit par son approbation. Et certes, le prophète alayhi salatu wassalam n'a jamais dit lisez pour vos morts le Coran, ou bien lisez pour vos morts quelques versets du Coran, et n'a jamais lu le Coran sur les morts. C'est pourquoi on ne le lit pas à ceux qui l'ont enterré ni à leurs morts. Et certes, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam était le plus assidu pour avoir tout le bien pour sa communauté, vivant ou mort. Donc ce qui est prescrit, c'est l'invocation de l'enfant vertueux, c'est l'aumône continue, sadaqatun jariyah, c'est une science dont les gens tirent profit, et hormis tout cela, il est interdit de le faire. Tandis que la récitation sans salaire, alors il y a eu un désaccord entre les savants, et ce que nous voyons, wallahu a'lam, c'est qu'il incombe de délaisser cet acte, et de s'en éloigner, et de suivre le messager d'Allah alayhi salat wa salam dans cela. Alors à celui dont la mère et le père sont morts, à celui qui a perdu ses parents, si tu désires leur rendre service, effectivement, verse une aumône pour eux. Aide à faire le bien dans la création, par exemple, d'une école, dans la création d'une mosquée, dans l'acquisition d'une science dont tu bénéficies, dans l'achat d'un Coran pour les mettre dans les maisons d'Allah et Azzawajal, pour lire, car le Coran, sa récompense ne s'arrête pas, à la différence de sa récitation, tandis que ceux qui mangent les biens des gens injustement accomplissent certes une innovation dans la religion d'Allah et Azzawajal, et ceci, que ce soit dans la maison du mort ou dans le cimetière. Je demande à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il fasse que l'on soit parmi ceux qui suivent la guidée de son prophète alayhi salat wa salam. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi. Lui seul en a la capacité et le pouvoir. Et en tenant ces propos, j'implore à Allah son pardon pour moi ainsi que pour vous. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi wahda. Wa salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من صار على ضربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. Mes chers frères et sœurs, ainsi après avoir parlé de l'enterrement du mort et des condoléances à présenter à la famille du mort, après avoir appris ce qu'il a et n'a pas comme avantage, il faut savoir que parmi les droits du défunt, nous devons aller visiter la tombe du mort. Parmi les droits du défunt, la visite de sa tombe. L'imam Ahmed rapporte, avec une chaîne de transmission authentique, selon Aïcheta radiallahu anha, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam sortait au milieu de la nuit pour visiter le cimetière al-Baqi'. Et il invoquait pour le mort. Et lorsque Aïcheta radiallahu anha lui demanda, il lui dit alayhi salatu wassalam, moi j'ai ordonné qu'on invoque pour lui. La visite des tombes, ibad Allah, est quelque chose dont on est malheureusement privé dans ce pays, surtout à cause de l'absence des cimetières musulmans. Et certes, lorsque l'un de nous part dans son pays d'origine, en tant que voyage, il se rappelle et lui vient à l'esprit d'aller dans les hôtels, dans les plages, dans les lieux de plaisance, avec tout ce qu'il y a comme perversité, mais il ne se voit pas entrer dans un cimetière. Allahumma sauf si un de ses proches est mort. Mais si ce n'est pas le cas, alors il n'y pense jamais. Alors que certes, la visite des tombes attendrit les cœurs. La visite des tombes fait rappeler l'au-delà. Et la visite des tombes fait renoncer à cette demeure présente dans laquelle la possession des biens et les distractions ont occupé les serviteurs d'Allah et nous font oublier nos morts. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah a rapporté un hadith du prophète alayhi salat wa salam qui dit: chaque personne qui passe par une tombe connaissant le mort et qui lui dit assalamu alaykum, Allah remet l'âme du mort dans son corps pour lui rendre le salam. Ce hadith est ferme et consistant, et il parle ainsi des avantages dont peuvent tirer les morts de la visite de leurs proches, et ceci sans aucun doute. Et c'est ce qui est présent chez beaucoup de prédécesseurs. La sunna est d'entrer dans le cimetière avec des invocations pour les habitants des tombes. Parmi les musulmans, l'imam muslim rapporte, selon Aïcha et Buraydat al-Aslami, radiallahu anhuma, lorsque le prophète alayhi salat wa salam entrait dans le cimetière, il invoquait en disant السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون وإنا إن شاء الله بكم اللاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. السلام عليكم ô vous les habitants des tombes, parmi les croyants et les musulmans, vous êtes les prédécesseurs et nous sommes les successeurs parmi vous, inshallah, et nous demandons à Allah qu'il nous épargne ainsi qu'à vous les épreuves. Voilà ce qu'il faut dire lorsqu'on entre dans le cimetière. Mais excepté cela, il est interdit de lire un peu de Coran. Donc il est interdit de réciter Sourate al-Fatiha, Sourate al-Ikhlas à 10 reprises, ni Ayat al-Kursi, la fin de l'Baqara, Akhir al-Baqara, ni Sourate Yassin, Sourate al-Mulk, ni un peu du livre d'Allah Azza wa Jal. Et certes, tout ce que vous avez entendu ou que vous entendrez dans certaines mosquées, ou ce que vous avez lu et ce que vous lirez dans certains livres, elles soient faibles, soient non acceptées et blâmables. Et ce n'est guère rapporté que le prophète alayhi salatu wassalam les fait. Et la preuve en est ce qu'a rapporté l'imam muslim, selon Abi Hurayrata radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne faites pas de vos maisons des cimetières, et certes, al-shaytan, le diable, s'enfuit de la maison dans laquelle est lue Sourate al-Baqarah. Ne faites pas de vos maisons des cimetières. Et certes, le diable s'enfuit de la maison dans laquelle est récitée Sourate al-Baqarah. Et ici, le point d'argumentation est que le prophète alayhi salat wa salam a insisté sur la récitation de Sourate al-Baqarah dans les maisons, jusqu'à ce que Shaytan s'éloigne de cette maison. Et il a donc dit: ne faites pas de vos maisons des cimetières. Car le cimetière n'est pas fait pour qu'on y lise le Coran. Et cela est l'avis de l'imam Abu Hanifa, et de l'imam Malik, et de l'imam Ahmed. Et certes, tout ce que les gens ont inventé sur l'imam al-Shafi'i, ceci a été démenti par Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Et celui-ci a dit: l'imam al-Shafi'i ne veut rien de cette affaire. Cela parce qu'il voyait cela parmi les innovations. Et l'imam Malik dit: je ne connais pas de compagnons et de successeurs liés en fait. Donc la récitation du Coran dans les cimetières est interdite. Et tout ce qui a été rapporté sont soit faibles, soit blâmables. Et il suffit ainsi de faire des invocations pour le mort. Il n'existe de même pas un moment particulier pour visiter les tombes, comme les gens le font, par exemple le jour du vendredi, ou bien la nuit du vendredi, ou bien le matin du jeudi, ou bien les 2 jours de l'Eid. Ceci est une innovation dans la religion d'Allah Azza wa Jal. Et il est autorisé de visiter les tombes donc à n'importe quel moment, jour et nuit. Et il est autorisé également d'invoquer pour les morts. Et il est autorisé de lever les mains comme il fut rapporté par l'imam Ahmed, et par l'imam al-Nasa'i, et par l'imam Malik selon Aïcheta radiallahu anha. Celle-ci a dit: le messager d'Allah alayhi salat wa salam est sorti la nuit dans le cimetière, et j'ai envoyé Barirata dans ses traces pour qu'elle voie où est-ce qu'il est parti. Et alors Barirata dit que le prophète alayhi salat wa salam s'approcha du cimetière et qu'il se leva au bord de la tombe et qu'il leva ses mains. Il est autorisé ainsi de lever ses mains lors des invocations pour les habitants des tombes, à condition que ceux-ci soient en direction de la Qibla. Comme il faut que celui qui visite les tombes, mes chers frères et sœurs, il se doit de faire attention de ne pas marcher sur elles. Car le prophète, alayhi salat wa salam, nous a interdit de se lever sur la tombe et de s'asseoir dessus. Comme il fut rapporté dans le recueil authentique de l'imam muslim, selon Abi Hurayrata radiallahu anhu, le prophète, alayhi salat wa salam, a dit: il est préférable à l'un de vous qu'il marche sur une pierre de feu, qu'il marche sur une braise, et qu'il brûle son vêtement plutôt qu'il marche sur une tombe. Wal'iyadu billah, qu'Allah nous en préserve. Comme également ce que doit faire celui qui entre dans un cimetière, ce qui fait partie de la sunna, d'enlever ses chaussures lorsqu'il marche entre les tombes, qu'il marche entre les tombes pieds nus, comme il fut rapporté par les gens du Sunan, selon Bashir ibn al-Khassasiyyah radiallahu anhu. Le prophète alayhi salat wa salam a vu un homme qui marchait entre les tombes et qui portait ses chaussures. Et alors il a dit: ô toi qui portes les lacets, c'est-à-dire ô toi qui portes tes chaussures, enlève tes chaussures. Et lorsque l'homme a su et s'est rendu compte que c'était le prophète alayhi salat wa salam qui lui parlait, il ôta ses chaussures sur le cou et il les jeta. Et l'imam Ahmed faisait cela. Comme l'a dit l'imam Abu Daoud dans ses questions, Ahmed ibn Hanbal rahimahullah, lorsqu'il suivait un convoi funéraire et lorsqu'il s'approchait de la tombe, il retirait ses chaussures. Et l'interdiction ici est portée sur le détestable et non sur l'interdiction catégorique. Cela veut dire que l'on peut marcher dans le cimetière avec ses chaussures, surtout par exemple lorsqu'il y a des épines et lorsqu'il y a des pierres coupantes. Et mes chers frères et sœurs, la dernière question concerne la visite des tombes pour la femme. Et ce qui est favorable parmi l'avis des savants est que ceci est interdit à la femme de visiter les tombes. Et sachez que les savants ont divergé sur ce sujet par deux avis. Il y en a qui l'autorisent et d'autres qui l'interdisent. Mais l'avis favorable des savants, celui qui a une preuve authentique, c'est l'interdiction de la visite des tombes pour la femme. Et la première preuve est rapportée par l'imam Ahmed et les gens du Sunan, avec une chaîne de transmission jugée bonne par plusieurs savants contemporains, comme Ahmed Shakir, l'Égyptien, rahimahullah, et comme les savants Ibn Baz et Ibn al-Uthaymin, rahimahumallah. Selon Ibn Abbas, radiallahu anhuma, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a maudit les visiteuses de tombes et celles qui y mettent des lanternes. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a maudit les visiteuses de tombes et celles qui y mettent des lanternes. Et pourquoi il est interdit à la femme de visiter les tombes? Si quelqu'un nous pose cette question, on lui dira que ceci est à cause de ses paroles et de ses pleurs devant la tombe. Le mort subit à cause de cela des tourments et un châtiment, et il souffre avec ce qu'elle fait. Et la preuve en est, sur la visite des tombes de la femme, ce qu'a rapporté l'imam Ahmed et les gens du Sunan, selon Abdullah ibn Amr radiallahu anhu, celui-ci a dit que lorsque nous marchions avec le prophète alayhi salatu wassalam, nous trouvâmes une femme sur le chemin, et je ne pense pas qu'il la connaissait, alayhi salatu wassalam. Et lorsqu'elle s'est approchée de nous, c'était Fatima, bintu Rasulillah, la fille du prophète, alayhi salatu wassalam. Et alors il lui a dit, sallallahu alayhi wassalam, qu'est-ce qui t'a fait sortir de ta maison, ya Fatima? Et elle répondit, radiallahu anha, je suis allée chez la famille de cette maison, chez la famille de ce mort, pour leur faire mes condoléances pour leur mort. Et alors le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit, peut-être as-tu atteint avec eux la porte du cimetière? Et alors elle répondit, ma'ad Allah, qu'Allah me protège que je fasse cela, alors que j'ai été entendu dire ce que tu as dit. Et il dit aussitôt, ya Fatima, certes tu l'as accompli, tu ne pourrais sentir l'odeur du paradis que seulement si mon grand-père Abdul Muttalib y serait rentré. Ceci constitue donc non un grand péché, mais ceci provoque la malédiction et ainsi la privation de la miséricorde d'Allah Jalla wa Ala pour la femme. Alors croyez en Allah et ne laissez pas vos filles, et recommandez à vos femmes et à vos filles et à vos proches parmi les femmes qu'elles n'aillent pas dans les cimetières et n'aillent pas dans les tombes, ni les deux jours de l'Aïd, ni le vendredi, ni après l'enterrement, ni à n'importe quel moment. Et tout ce qui a été rapporté sur la visite de la femme au cimetière est porté sur le fait qu'elle ne le fasse pas par intention de visite, comme a été rapporté sur Fatima, car celle-ci n'avait pas l'intention de visiter les tombes, mais elle était passante, elle passait par le cimetière. Et dans le recueil authentique de l'imam al-Bukhari, le prophète alayhi salatu wassalam est passé par une femme sur une tombe qui pleurait. Et alors il lui dit alayhi salatu wassalam, crains Allah. Il est donc interdit aux femmes de visiter les tombes. Et enfin, mes chers frères et sœurs, les morts des musulmans ont des droits. Et donc, dans leur absence totale, il ne faut pas les insulter, car cela n'est guère utile et n'apporte rien. Comme il fut rapporté par l'imam al-Bukhari selon Aïcha radiallahu anha, que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, n'insultez pas les morts, car ils sont allés vers leur destinée. Et insulter les morts n'est pas utile, sauf le cas où il était parmi les ennemis de l'islam ou bien les libertins, et ceci dans un but d'avertissement quant à ce qu'ils ont fait et accompli. Ceci, mes chers frères et sœurs, est parmi les choses qui se passent après l'enterrement. Les condoléances, le réconfort et la loi d'Allah Azzawajal sur tout ceci. Et ainsi, après sa mort, il nous reste le discours, Inch'Allah, sur les causes des délices de la tombe et les causes des châtiments de la tombe. Lorsque le mort se fera enterrer et que sa tombe se refermera sur lui, alors soit il sera comblé de bienfaits et de délices, soit il y sera châtié, et on le dira bi idnillahi jalla wa ala en détail lors du prochain discours.